Salam à tous. Cet audio va parler, va se focaliser sur le paysage du rap, paysage du hip-hop et sa relation et sa compatibilité bien sûr avec l'islam. Donc ça c'est le point de vue théologique et bien sûr la réfutation de ce faux porte-étendard de l'antisystème dont certains se réclament. Déjà, avant de commencer cet audio, on va dire que j'adopte souvent un peu une dialectique célinienne, à savoir généraliser pour provoquer la réflexion. Bien sûr, quand on parle d'un sujet, on va toujours dire, mais il y a des exceptions, mais on n'est pas là pour, voilà, pour jouer les pop-home girls et commencer à se dire, il y a toujours des exceptions. Quelque part, on met tout le monde dans le même sac, et c'est au mec d'avoir un cutter ou un couteau de déchirer le sac et de s'en aller, et de laisser les autres dedans. Donc voilà, c'est plus théorique, dans le sens, enfin théorique, c'est une réalité, mais c'est plus une analyse, on va dire, théorique, hein, un peu célinienne. Le truc, c'est quoi? C'est que, pourquoi cet audio? C'est parce que, bon, en tant que musulman, hein, donc maghrébo, musulman vivant en Occident, particulièrement à Bruxelles, je pense que ceux qui vivent à Paris ou voilà, d'autres contrées où le mouvement, entre guillemets, rap, mouvement du hip-hop y est beaucoup imposé, voient cela autour d'eux. Donc c'est un peu normal d'en parler. C'est un peu normal parce que ça fait partie du quotidien. Dans l'entourage, il y a des gens qui sont entourés, qui sont submergés par cette vague, par ce mouvement qu'est le rap. Déjà, d'un point de vue islamique, ça sera plus une préambule parce que c'est pas vraiment le sujet, bien que voilà, il faut que cela soit abordé. Et, il suffit d'aller dans la sourate Luqman, verset 6, et voir son exégèse pour s'apercevoir que voilà, déjà la musique en elle-même, même si l'école d'Ahiri était un peu plus tolérante, mais bon, ça c'est. Allez-y voir, quoi. Faites vos recherches. Tout simplement la compatibilité entre la musique et l'islam. Et en même temps, même si on va être un peu Zahiri. vite dans cette approche-là, on va être un peu tolérant. Ah oui, al-Zahiri, c'est tout simplement l'école, donc le madhhab, l'école juridique, se réclamant de l'imam Ibn Hazm d'Andalouse, voilà, qui était un peu plus tolérant par rapport à ça. D'autres savants ont aussi permis la musique avec certains instruments. Enfin bref, mais si on rentre dans cette optique-là, à savoir, oui, il y a divergence, d'autres la tolèrent, d'autres ne tolèrent pas. La musique, de par son essence, certains sont contre, de façon claire, de façon totale, et d'autres autorisent, mais avec des conditions. Mais même si on rentre dans cet avis-là, dans cette opinion-là, à savoir autoriser la musique avec certaines conditions, il est clair et net que ce n'est pas des je nique ta mère, je te fais ci, je te fais ça, qui sont approuvés, quoi. Par les adeptes de cette opinion. Donc ça c'est déjà clair. Ensuite, pour revenir au vif, beaucoup de rappeurs, donc des gens qui se réclament du mouvement rap français, se définissent un peu comme des antisystèmes. Donc des porte-étendards de l'antisystème. Voilà quoi, on est là, on est des rebelles quoi, une sorte des renégats, hein, des Che Guevara en training. Mais en fin de compte, c'est totalement le contraire. Il n'y a rien de plus conformiste qu'un rappeur. En fait, un rappeur qui va te dire nique ta mère, il n'y a rien de plus conformiste que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour reprendre un peu le terme de Verlaine, il y a ce qu'on appelle l'amour violent. Vous savez, un rappeur, et encore une fois, je ne généralise pas, mais la plupart, de toute façon, les faits, les réalités sont là. Il suffit de voir dans le paysage contemporain, dans l'actualité, combien de rappeurs qui se réclamaient de la vague gangsta rap, anti-système sont devenus. Hein? Ils tapinent presque tous. Mais en fait, pour reprendre un peu le terme de Verlaine, qui est l'amour violent, c'est-à-dire qu'en fait, un rappeur pour moi, c'est quoi? Je fais l'analogie suivante. C'est un peu comme un mec, un petit Mohamed, qui est en maternelle, voilà, et il voit que sa maîtresse donne des bonbons à tout le monde. Donc elle donne des bonbons au petit Bastien, yeux bleus, blondin, etc. Et lui, il ressent de la jalousie. Et donc, en fait, il a envie de recevoir ces bonbons-là. Il a envie d'être intégré dans ce système-là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va insulter la maîtresse. Hein? Bon, c'est un peu caricatural comme exemple, mais c'est pour vous montrer le truc. Donc, il va insulter la maîtresse. Espèce de hachek, hachek, excusez-moi du terme. Voilà, hein? On essaie de censurer. Mais Pourquoi fait-il ça? Pourquoi il insulte? Parce qu'en fait, il est dégoûté. Il est dégoûté que le petit Fabien, le petit Bernard, yeux bleus, blondin, reçoivent des bonbons et lui, il n'en a pas. Donc il insulte. Pourquoi? Parce qu'il a envie de faire partie du lot, du moule. Il veut rentrer là-dedans. Il veut revoir ses bonbons. Donc en fait, un rappeur n'est pas anti-système parce que l'anti-système ne veut pas du système. Il en a strictement rien à foutre des bonbons. Il en a strictement rien à foutre du carcan éducatif, scolaire, etc. Il veut pas. Laissez-moi tranquille. Je vous attaque pas, mais laissez-moi dans mon coin. Je ne reconnais pas votre politique. Hein, on peut être dans le social tout en taclant le politique, hein, même si certaines langues disent au contraire, c'est totalement faux. Et donc, un rappeur n'est pas anti-système par essence. Pourquoi? Parce qu'il critique par amour. C'est de l'amour violent, si vous voulez. Je t'insulte parce que j'aime quelque part ce que tu fais et je t'aime en fait. Je veux faire partie du système. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on voit certains rappeurs, une TM ou La Fouine ou d'autres, etc., quand on voit leur parcours, c'est exactement ça. Ou Gynéco et compagnie. Au début, c'était oui, je nique la France, etc. Alors qu'il n'y a rien de plus conformiste que de dire ça. C'est conformiste. Hein. En général, c'est plus les mecs qui se réveillent à la salade de l'aube, hein, à la prière de l'aube, à 6-7 heures du matin, et qui vont prier, et qui essayent d'être corrects par rapport à l'islam qui les dérange plus, hein, que le mec qui va dire nique ta mère. Non. On va faire, si vous voulez, des petits élans de censure. Hein. C'est du show, quoi. C'est des petites coulisses hein, dans l'ordre de la pseudo-subversion pour faire croire que le mec, attention, c'est un rebelle, mais non. Le mec, il est complètement pour le système. Donc, à partir du moment où tu insultes la maîtresse parce qu'elle donne pas des bonbons aux autres, toi, t'en veux. Donc, au début, tu t'es là, t'as crié, un peu comme un gosse, tu vois, je nique l'État, je nique ci, je nique ça, mais tu niques rien du tout. Parce que dès qu'on t'offre quelques places, bah, tu les prends et tu fermes ta gueule et puis tu prends ton oseille, tu prends ton argent. Et c'est exactement le cas de Joey Starr, par exemple. Ben, La Fouine, hein, Joey Starr, il était là à jouer le nique ta mère, etc. Après, on a vu l'évolution, il a commencé à cracher sur des personnes. Dieudonné, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il symbolise un peu, on peut avoir des divergences avec lui, mais d'un œil extérieur, hein, il symbolise un peu quand même la lutte contre l'impérialisme, etc. Le minimum, c'est, même si tu n'es pas d'accord avec lui sur sa vision géopolitique, c'est le minimum, tu fermes ta bouche. C'est ça, si vous voulez, c'est un peu comme à l'époque où le fer frappait le fer, l'honneur. Voilà, c'est l'honneur. Le mec, il n'est pas de ma religion, le mec, on n'a pas la même vision géopolitique à 100%, mais voilà, il défend certaines valeurs, donc je ne vais pas parler sur lui. En public, en tout cas. Après, c'est en privé, je peux m'entretenir avec lui. Donc voilà, Joey Starr, on a vu sa lignée, par exemple, le mec, il a commencé à cracher sur Dieudonné, cracher sur la burqa, le symbolisme même de l'islam, indirectement. Ensuite, le mec, il se fait, excuse-moi du terme, sodomiser dans un film de gay. La Fouine, c'est pareil. La Fouine, c'était là, ouais, je si, je ça, je ça. On voit le résultat. Quelque part, maintenant, le mec, il a chanté pour Patrick Bruel, et tu le vois poser avec des soldats maliens, tu vois. Voilà, donc quelque part, la chaléa, même si, oui, il y a beaucoup il y a des détails imprécis, il y a beaucoup de confusion, etc. Il faut voir les symbolismes. Moi, si vous voulez, je regarde ça avec un œil lointain, mais en même temps, en prenant en compte tous les facteurs sociologiques de la personne. C'est-à-dire que lui, il n'est pas censé savoir qu'il y a, par exemple, des infiltrations, il y a peut-être ci, il y a peut-être ça, il y a peut-être tel enjeu dans l'ordre de la géostratégie. Non, le mec, il voit comme étant. La chose comme étant, il y a des gens qui veulent mettre la chaléa, donc indirectement, ce sont des musulmans politisés, et ce qui n'est pas et ce qui est un pléonasme, hein, dans le sens politique, la vraie politique, la politique théocratique, et ils voient ceux qui viennent les éclater parce qu'ils veulent une pseudo-démocratie, quoi. Parce que les mecs, c'est des libéraux. La plupart de ces rappeurs-là sont des libéraux. Donc ils se la jouent tous anti-système. Je ne vais pas dire, enfin, tous. Il y a certains, par exemple, Fab, voilà, Fab, il a compris, Fab, il a vu. Je sais pas si vous vous rappelez, Fab, c'était plutôt 97, 98, 97, 98. Il a vu, voilà, il a fait ses petites rimes, etc. Puis il a vu qu'en fin de compte, ça allait pas avec, je pense, hein, hein, je pense que ça allait pas avec sa vision, quoi, sa vision, la société. Donc le mec, voilà, il est parti étudier au Canada en théologie. Je pense qu'il est devenu imam, j'en sais rien. Et voilà. Après, moi, j'ai jamais été vraiment fou de rap. Personnellement, dans mon adolescence. Là, voilà, j'écoute pas de musique parce que ça m'intéresse pas. Bah, fut une époque où j'écoutais de la musique. J'écoutais de la musique pas pour écouter des messages, parce que quelque part, pour moi, les rappeurs, ils ont aucun message à me donner. Vous voyez? Donc, j'écoutais plus de la musique pour le rythme. Je m'en foutais. Donc, c'était du James Brown, du Otis. Je comprenais pas l'anglais dans sa totalité, mais j'écoutais pourquoi pour le rythme. Hein? Voilà, il y avait le côté émotionnel, tu vois, dans les instruments, etc. Du Otis Redding, du Stevie Wonder, du James Brown. Quand j'écoutais ça me faisait quelque chose. Mais parce que je m'en foutais des paroles. Pourquoi? Parce que moi, je suis pas là pour écouter des chanteurs, parce qu'ils ont rien à m'apprendre. voyez, le mec qui est là, qui te dit vive SOS racisme, bouh les islamistes, Tamedine qui t'a sorti qui t'a sorti une musique où il fait l'éloge de Massoud, il est en train d'insulter les talibans en disant qu'ils ont étudié le Coran comme des ânes, etc. Alors, voilà, c'est un pion de l'extrême gauche française, par exemple. Le mec, c'est un pur produit de l'extrême gauche française. Donc, c'est des gens qui sont dénués de. La plupart du temps, ils sont dénués d'optique géopolitique, hein, géostratégique, et en même temps, d'éthologie. Hein, tu vois? Quand, par exemple, tu vois les rappeurs pseudo-musulmans, hein, ceux qui font de l'islam leur fonds de commerce sous la bannière du rap et du mouvement hip-hop, c'est des mecs qui sont le reflet de l'extrême gauche française, quoi. Mais l'extrême gauche conventionnelle, quoi, à la Besancenot et compagnie. C'est des mecs qui ont strictement rien compris. Tu vois? Le fait de dire que, par exemple, les talibans sont des ânes, etc., qui ont rien compris au Coran, etc., non. Hein? Va voir la fable du Stinger, par exemple. Ah, faut arrêter. Faut pas être binaire, faut pas être un complotiste acharné et en même temps conventionnel, un pseudo-complotiste conventionnel et en même temps un mec qui voit rien, qui veut tout péter quoi, à coup de khilafa. Non, faut avoir une vision. Mais il faut pas avoir une vision binaire, en même temps faut comprendre les choses. C'est une nébuleuse. Les talibans, ils ont pas été financés, etc. Mais enfin bref, si on prend la plupart, voilà, par exemple, on va prendre le cas de Médine ou d'autres, hein. Et c'est pas la médisance, attention, parce que islamiquement parlant, il y a deux formes de médisance. Donc voilà, en préambule, je précise cela. Tu as la médisance tout simplement qui est interdite, à savoir parler sur l'intimité de la personne. Hein. Ah, le mec, c'est un chômeur, ah, le mec, sa femme, elle a ci, elle a ça. Ça on s'en fout, on n'a pas à parler. Et ensuite, tu as le fait de parler sur l'idéologie que véhicule la personne, parce que le fait de façon publique, dans l'ordre du public, hein, tu vois, elle le fait, tu vois, sans complexité. Donc là, tu peux attaquer l'idéologie, mais quelque part, quand tu attaques l'idéologie, il y a le nom qui est là derrière, quoi. Donc voilà, quand je cite les rappeurs, ils peuvent être des bons pères de famille, ils peuvent être ce que tu veux, ils peuvent donner de la charité, ils peuvent être des mecs qui pratiquent la charité, ce que tu veux. Je m'en fous, c'est entre Dieu, c'est entre eux et Dieu. Allah l'exalté soit-il. Mais leur idéologie, ils les véhiculent publiquement. Encore plus, ils gagnent de l'argent avec cela, c'est un business. Donc quelque part, voilà. T'es pas d'accord, tu le dis aussi de façon publique. Donc tu te sers des outils qui sont des supports qui sont devant toi. Tu vois? Et le truc c'est quoi? C'est que voilà, donc des mecs comme Medine, comme Lafouine, et voilà le reste quand on les connaît, il y a rien de plus conformiste qu'eux, en fait. Il y a rien de rebelle là-dedans. Tu vois? Appeler par exemple à la citoyenneté, on veut les mêmes droits, etc. Mais ne t'es pas anti-système. Donc soit tu dis clairement les choses. Voilà, je suis pour ce système-là. Soit quelque part, voilà, il faut être cohérent quelque part, faut suivre une ligne cohérente, c'est aussi simple que ça. Et le truc à aborder aussi, le truc à savoir, c'est que quand on dit anti-système, etc., bien sûr pour reprendre un peu les termes d'Henri Thoreau dans son livre Désobéissance civile, ou bien celui de Howard Zinn, Démocratie et Désobéissance civile, il explique que tu peux. À ton échelle, selon tes capacités, et en plus, en même temps, il y a un lien avec, si vous voulez, un peu le côté spirituel, le côté théologique, hein, dont un verset précisément dans le Coran qui dit qu'Allah ne te jugera pas selon tes capacités, selon dont que tu n'es pas capable, hein, qui dépasse un peu tes charges. Eh ben, pour reprendre un peu le terme d'Henri Thoreau, par exemple, quand il disait, quand il a fait cette démarche, à savoir ne plus payer d'impôts, parce qu'il refusait tout simplement d'être complice via le paiement de ses impôts à l'esclavage et d'autres. Et d'autres choses appliquées par l'État américain, c'est qu'il fait quand même comprendre que tu peux pas être anti-système sans en même temps utiliser un peu et manipuler un peu quelque chose de ce même, quelques notions dans l'ordre aussi bien du matériel que dans l'ordre aussi du carcan idéologique, te servir de quelques-unes de ces notions pour l'intérêt de ta cause. C'est un peu comme le dollar, etc. Taureau était anti-système. Ensuite, il a fait un peu son apogée dans les bois, etc. Mais quelque part, il vivait aussi un peu de dollar à un moment. Il y avait le troc, mais il y avait aussi le dollar. Donc, tu peux pas être anti-système à 100%, mais selon tes capacités. Et quelque part, c'est même pas une question de. Si vous voulez, c'est même pas question d'islam ou de religieux ou quoi que ce soit. Il y a même des mecs qui sont pas musulmans, hein, et qui refusent, par exemple, le salariat actuel tel qu'il est, hein. Par exemple, il y a Loïc Wacan qui a écrit un livre qui s'appelle Les misères de la prison, où il fait une sorte d'analogie comparative entre un peu le prisonnier et le mec qui travaille, le salarié, et il dit que c'est pratiquement, enfin, je résume un peu, je caricature, c'est pratiquement la même chose. George Bernard Shaw, même si c'est un peu plus vieux, il avait fait des analyses par rapport à cela, l'esclavagisme, l'esclavage moderne, à savoir le salariat déclaré sous la tutelle capitaliste. Donc il y a des mecs, par exemple, qui sont anti-système. Tu peux pas l'être à 100%, c'est impossible, mais selon leur capacité. Et quelque part, si tu te dis, je vais avoir des jours de ventre vide, c'est pas grave, je le fais. Tu vois? Mais contrairement à certains de ces rappeurs-là, ces libéraux qui se la jouent anti-système, mais dès qu'ils ont une place, les mecs, c'est les premiers à ramener le Munkar, tu vois? C'est les premiers à tapiner. Hein, ils sont là à te dire des paroles de Dieu juste après des insultes, et ensuite on leur donne une place de, je sais pas comment ils disent, un showcase ou je sais pas quoi, ils te donnent un showcase où tu ramènes toutes tes soi-disant cousines et sœurs maghrébines, et tu es tout simplement le responsable de cette dégénérence, de ce monde-car, de ce vice, parce que tu les rassembles tous, tu rassembles tous tes frères, entre guillemets, comme tu les appelles, mes frangins, mes frangines, mes sistas, comme ils disent, hein, avec leur dialectique toute pourrie, tu les réunis en un seul endroit. Droit, en versant l'alcool, en versant le monde car, et puis l'autre qui se fait sauter dans les toilettes, etc., tu es un peu le responsable parce qu'ils se réunissent autour de toi, tandis que d'autres se réunissent autour de la prière, de la salat et du tawhid. Toi, tu les appelles à te réunir autour de toi, et tu es là, tu l'as joué anti-système, alors que non, tu es dans le système parce que tu fais la promotion du monde car, du vice, du haram, parce que fait partie aussi de l'oligarchie d'estomper, de combattre, d'éradiquer un peu les valeurs, l'éthique des religions, pas seulement islamiques, hein, des religions, mais tu es en train de combattre tout cela. Ouais, c'est totalement paradoxal, il n'y a pas d'incohérence. Mais en même temps, c'est cohérent quand on voit ça d'un œil lointain, en voyant un peu le parcours. Ouais, donc il y a le côté, j'insulte les systèmes, etc., mais je vais en faire partie. Et pour rebondir un peu sur le côté salariat, etc., donc il y a des mecs, ils ne sont pas dans l'optique religieuse, mais voilà, ils sont convaincus. Voilà. On peut les appeler des anarchistes, des nanars, ce que vous voulez, mais c'est des gens, voilà. C'est un peu des héritiers de Thoreau, Howard Zinn. Hein? Mais voilà, ils sont dans cette optique-là. Donc ils se débrouillent. Ils étaient débrouillards. Ils refusent tout simplement d'être sous cette tutelle capitaliste, hein? De perdre leur temps, leur santé. Hein? D'accord? Et il faut bien dissocier le travail et l'emploi. Parce que tu as des mecs, ils n'arrivent pas. Hein? Et pour revenir un peu dans le côté religieux, tu en as qui disent, ouais, mais le travail, c'est une ibada, c'est une adoration. Oui, le travail, mais pas l'emploi. D'accord? Parce qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à différencier les deux. Quand tu es employé, par exemple, tu as 8 heures, hein, t'es payé, c'est des miettes, hein, parce que 1200, tu peux pas vivre comme ça, d'accord? La plupart des gens qui parlent de travail et compagnie, soit c'est des gens qui sont passés, si vous voulez, du cocon familial juste au mariage. Donc, c'est rare qu'ils ont eu, si vous voulez, les années où ils ont eu leur appartement tout seul et ils ont connu, ils ont vu c'était quoi la vraie vie active quand tu es tout seul, hein, quand tu es en mode solitaire, tu vois? Donc la plupart qui s'expriment en disant oui, le travail et compagnie, c'est des mecs, voilà, donc ils ont vécu chez papa et maman, hein, entre une manette PlayStation 3 et le petit yogourt, ensuite mariés, en même temps mariés, voilà, t'as les petites combines, t'as la famille qui aide autour, t'as la femme qui ramène aussi de l'argent, donc il y a deux salaires, donc ils savent pas vraiment, ils ont pas vraiment, certains, je dis pas tous, ils ont pas vraiment certains la notion de ce qui est de survivre, tu vois, et la vie active, et le truc c'est quoi, c'est que la plupart, donc... De ces rappeurs-là qui font ça jouer anti-système et compagnie, eux, c'est du salariat à grande échelle, hein, hein, et plus rentable, bien sûr. Mais ils rentrent dedans. Ne dis pas que t'es anti-système, tu rentres dedans. Vous voyez, tu payes tes impôts, tu aides cet État à se développer, hein, tu aides l'OTAN indirectement, tu vois, et tu aides aussi à la propagation du monde car, parce que chacun, si vous voulez, chaque acteur, il a son petit truc. Quand t'as les philosophes comme BHL, eux, c'est plus, si vous voulez, c'est plus l'idéologie, hein, c'est plus l'ombre, la cape qui s'étend sur la France et autres pays, et Belgique et compagnie. Après, t'as les petits rappeurs qui vont s'occuper un peu, si vous voulez, de la fausse subversion, et tout simplement d'égarer les petits jeunes qui, à la base, le mec, il a envie d'étudier l'islam, le Coran, mais il va écouter une ou deux musiques, il va un peu lui faire bouger les hanches et la tête, il va se retourner là-bas. Ensuite, qui dit se retourner vers un rappeur, dit suivre son actu. Qui dit suivre son actu, c'est perdre son temps comme un con, hein, ne pas s'instruire islamiquement parlant, même si certains vont dire, ouais, c'est pas parce que j'écoute du rap que je suis con. Non, excuse-moi, tu perds ton temps en écoutant de la connerie parce que c'est de la connerie. Ils te disent rien de spécial, en général, à part quelques exceptions. Donc, tu suis l'actualité, tu tombes dans le piège, et en fin de compte, tu si t'es un vraiment là-dedans, t'es un fan, entre guillemets, tu vas le suivre dans ses concerts et compagnie, et là, tu vas être acteur, indirect ou direct, de la propagation du monde car, tu vois, les femmes là qui se font prendre à gauche à droite, les salopes, excuse-moi du terme, qui déambulent leurs fesses, le haram à gogo. Donc chacun sa petite échelle, si vous voulez, est en train de d'estomper, d'éradiquer, d'éclater, d'exploser, de déchiqueter un peu les valeurs, les éthiques. D'autres, voilà, à échelle idéologique, sur le plan philosophique et compagnie, la propagande des médias officiels, etc. D'autres, dans la propagation du munkar, du vice, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, les rappeurs rentrent là-dedans. C'est des acteurs, si vous voulez, de l'oligarchie. Involontaires ou non, la plupart sont là-dedans. Et donc, ils n'ont strictement rien à voir avec ce drapeau d'antisystème dont certains s'en réclament. La plupart, non. Faut regarder leur parcours. Il n'y a pas plus conformiste qu'un rappeur. T'insultes, voilà, t'es là à insulter, tu vois, c'est de l'amour violent, voilà, t'es verléniste quelque part, mais après, tu tapines pour ce système-là, parce que tu veux tes bonbons, en fait. Tu veux croquer pour ensuite cracher sur tes frères, parce que tu craches dessus. Même si tu vas le dire avec tes paroles, le contraire, mes frères, je les soutiens, tu leur craches dessus, pourquoi? Parce que tu fais fonctionner le mécanisme. Tu vois, la mécanique étatique, sous la tutelle capitaliste, hein, cette oligarchie-là, qui est en train de. Qui est en train de défoncer toutes les valeurs, qui est en train d'attaquer les religions, t'en fais partie, t'es complice en fait. Donc il n'y a rien d'anti-système. Il n'y a absolument rien d'anti-système, du moins dans le mouvement rap contemporain. Et seuls ceux qui ont eu un cerveau, bah, ils se sont dit, bon, bah, je vais nier ce milieu, tout simplement. Je vais nier ce milieu, ou bien à la limite, le mec c'est un hobby, voilà, il aime bien faire du rap, etc. Mais sinon, la plupart. Mais moi, de toute façon, pour prendre des exemples, il faut toujours prendre ceux qui sont allés loin dans tel mouvement. Hein. Quand tu essaies de réfuter une idéologie, bon, il n'y a pas vraiment de charte, hein. Quelque part, ce n'est pas une religion. Même si malheureusement, tu en as certains qui sont vraiment là-dedans, dans le rap, tu as l'impression que c'est une religion, mais ça ken. Mais bon, il n'y a pas vraiment de charte, il n'y a pas de constitution. C'est pas comme si tu attaquais, je sais pas moi, les cours concis ou je sais pas, les unitaires, ou tu essaies de réfuter telle et telle idéologie. Non, là, il n'y a pas vraiment de charte. Donc, tu prends les exemples. Quand tu prends les exemples, tu prends bien sûr ceux qui sont allés loin dans leur mouvement-là. Eh ben, regardez les NTM. Regardez les Lafouine et les autres, les Rof et compagnie, hein, à cela jouer anti-système. Voilà, il n'y a pas plus conformiste que ces gens-là. Donc le rap, etc. Voilà, mais moi pourquoi j'ai pris ce sujet-là? Encore une fois, je précise, jamais écouté du rap, ça m'a jamais intéressé, je m'en fous. Mais comme je suis quelqu'un de curieux et qui m'intéresse quand même, parce que quelque part je fais partie de cette génération-là, je suis né dans les années 80, donc quelque part je vois autour de moi des gens, même de mon entourage propre qui aiment le rap, etc. Donc c'est un peu normal de s'intéresser et de faire, si vous voulez, une analyse sociologique avec des soubassements théologiques et un peu les petits gribouillages dans l'ordre de l'autodidacte, hein, qu'on a fait pour essayer de donner une analyse. Mais voilà, mais quelque part, si vous écoutez la musique pour les messages, on s'en fout. Ils ont aucun message à vous donner, ces mecs-là. Vous voulez des messages clairs et nets, prenez le Coran et la Sunna. C'est aussi simple que ça. Prenez le Coran et la Sunna. Tu veux comprendre la vie? Prends le Coran et la Sunna. La plupart des rappeurs, ils te disent des conneries, faut dire ce qu'il y a. Tiens, t'as des mecs qui connaissent plus, comme ils disent, les punchlines ou les punchhara ou les je sais pas quoi, ils les connaissent mieux que la biographie de plusieurs sahaba ou des versets, leur exégèse, des hadiths et compagnie, hein, tradition prophétique, etc. Donc voilà, c'est une perte de temps. Mais bon, là, le but de l'audio n'était pas de voler de parler sur les auditeurs, etc., du rap, même si cela, Inch'Allah, ils comprendront que c'est une perte de temps. Mais c'est plus ce mouvement-là. Voilà. C'est, excusez-moi, c'est l'illusion. Voilà. Il n'y a rien d'anti-système, de rebelle là-dedans. Et là, je ne suis pas en train de dire, ouais, on est tous et nous, on est des anti-systèmes. Non, non. On essaye, à notre petite échelle, de refuser, de s'auto-refuser telle ou telle chose, quitte à avoir des jours de ventre vide. C'est comme ça. La débrouillardise, on l'embrasse. La soumission, on ne la veut pas. On essaye. Mais ne dis pas ce que tu n'es pas, c'est tout. Les rappeurs actuels, donc le mouvement rap contemporain, totalement conformiste. C'est de la fausse subversion. C'est un peu comme le Zemmour. Zemmour qui dit qu'on le fait passer comme un subversif alors que le mec il attaque les Noirs et les Arabes au lieu d'attaquer indirectement la mafia, l'oligarchie juive qui les fournissent. Hein, vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, le mouvement rap est libéral, conformiste, on va dire un peu verléniste, hein, verlénien. Mais il n'y a rien de. Tout ça c'est de l'illusion, quoi. Salam.